Nova. La pilule de Nova. Aujourd'hui, la pilule noire de l'infirmière Agnès. Salut auditeurs pourris. Aujourd'hui, nous allons étudier comment saboter un mariage bourgeois. Autrement dit, cette cérémonie assommante où l'on est obligé de feindre de s'extasier du bonheur à venir d'un couple improbable. Pour commencer, à l'église, quand on vous demandera si vous êtes amis de là ou du marié, précisez haut et fort que, ayant couché avec les deux, vous vous placerez où bon vous semble. Mouchez-vous bruyamment lors de l'échange des consentements, raclez-vous la gorge, éructez. Bref, ôtez à la cérémonie tout son caractère solennel. Ces événements étant souvent filmés par un cousin germain, vous avez pourri la bande-son de cet instant inoubliable. Pendant le vin d'honneur, qui sert à abreuver à moindre frais les manants n'ayant pas accès au dîner officiel, bourrez consciencieusement la gueule des garçons et demoiselles d'honneur. Des gamins de 10 ans vomissant partout, ça met toujours une certaine ambiance. Suite au dîner, au moment du traditionnel mais non moins insupportable discours, feignez une crise d'épilepsie, renversez quelques tables en convulsant de manière plus que crédible, bavez, réclamez les pompiers, vous permettrez au moins aux participants de garder un souvenir impérissable de cette journée mortifère. Clou du spectacle. Au moment où l'orchestre de circonstance s'apprête à entamer la traditionnelle valse des mariés, organisez une intervention véhémente et musclée d'intermittents du spectacle en tenue crasseuse et couverts de haillons. Soyez rassurés, ils ne manqueront pas d'insulter copieusement le ramassis de bourgeois boursouflés de convictions libérales qui constituent l'assemblée. Grâce à ces interventions crapuleuses, vous aurez fait un certain nombre d'ennemis. N'en ayez cure, ce n'étaient de toute façon pas des gens que vous auriez eu plaisir à revoir. Allez, amusez-vous bien la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas ceci, les gentils reculent, les ordures elles enculent. La pilule de Nova, attention, peut provoquer des effets secondaires. Nova, le grand mix.